Cali frotte. Bordel, il y a du monde ou quoi? Cali frotte. Il porte pour le peuple. Ouais. Ok. Écoute, Mérine, crasse, puni. Pour des conneries, regarde combien mes potes écopent. Putain, je suis témoin d'une sale époque. C'est nos STI, frère. Ouais. Ok. Parfait. Ouais. Chicha. Ok. Ouais. Les frottes, frère. Ouais, témoin d'une époque. Époque pourrie. Témoin d'une époque. Victime majeur, vers ce client, quoi, ce spectacle à ma rétine, meurtrier, routine, meurtrier pour des routines. Calendrier sombre, 365 coups à la citoyenne, l'homme, si t'as raison, le fond est proche, la forme est moche, la forme est moche, mon mieux est fort et moche, l'apparence sert à rien, l'argent ça mène à rien, l'outil pour subvenir, pas le temps de voir venir, à tout moment, craint voir tes démonstrations venir, époque pourrie, le système des non-choisis, ça sent l'oisile, dans nos foyers, c'est quoi se noyer, nous on est satisfait, c'est ça qui se fait, et nous le système nous fait pas kiffer, ce qui fait, qu'on dérange, qu'on les ronge, mauvais songe, coup des ponches, ça vaut des tournées, pas d'histoire, c'est bâtard, tire pas le son de l'histoire. Appelle au deuxième coup, bouge, place à deuxième tour. Terrorisme au chevet de chaque cause, c'est ça que je cause. On avance sans but, sauf sans richesse. Dominer, se détruire, sans réfléchir, sauf qu'on se déchire. Embrasser le dénouement, les parents, bien appelés, vous mentez, vous dénouement. Ça s'aggrave, ce putain d'état qui nous ment. Les extrêmes extrémistes, double amis, triple amis, mise en guise de revenus. Face aux ceux qui en sont revenus, trop détenus. Dans les anciens, plus de revenus, on est liés sans être plus utilité, difficilement maintenu. On va crime, on déprime, on dérive, on décrit. Fume pour calmer les cris qui lacèrent l'esprit. Pour qu'on avance à tout le drame. Qu'on sorte à faire comme nos yeux, j'étais grave, mais pas grave. Le style premier frère, juste un petit témoignage. Baron, j'ai mage, les yeux ouverts sur l'engrenage. Dans les frappes, merde, quoi pour le peuple. J'suis témoin d'une sale époque, la vie est belle, putain, des trompes-toi, 2003. Vas-y, on se dit, arrête pas de nous tromper. J'suis témoin d'une sale époque, la vie est belle, putain, des trompes-toi, 2003. Vas-y, on se dit, arrête pas de nous tromper. J'suis témoin d'une sale époque, la vie est belle, putain, des trompes-toi. Vas-y, on se dit, arrête pas de nous tromper. J'suis témoin d'une sale époque, la vie est belle, putain, des trompes-toi, 2003. Vas-y, on se dit, arrête pas de s'en nous tromper. Ouais. Ok, parfait. Ouais, Alassane, t'inquiète, ok. J'ai ce que c'est quand les valises remplacent les placards. Surprise comme un serrage qui plaît le placard. J'ai ce que c'est, l'argent facile, pas un garde. Soit le cerveau, trouver d'acide de ceux qui en ont besoin. Si c'est mes fêtes pénaux, vers mon arc, mais pour moi, frappe. Pour ce temps, ma pour ceux qui ont le crime à bout de bras. Ceux qui partagent quelque chose, sont là et vivent les mêmes choses. Qui me débattent quand ils ont quelque chose. J'ai ce que c'est qui nous double quand la vie trouble. Sortir d'une voiture, imaginer un nature mort. J'ai ce que c'est de voir des fois de souffrir, d'autres pas loin de mourir. Toi de trouver dans l'excès, c'est pas courir. Faut qu'il aime, faut de problème, faut que j'en plaide, faut d'en plaide. À la haine, on s'en plaint, c'est la merde et non plein. Réalité malsaine, on en est tous les acteurs, les victimes. Faut du spectateur dans les vitrines. Et la vertu, haram, parallèle, du parallèle. Transaction sale, trop d'action sale. Ainsi que c'est illicite, l'obsède. Nous pas que ça se finisse en obsède. Ou même à l'hospice, pourquoi votre génie est trop vice. On m'a déjà dit, c'est parce qu'ici y a trop de pistes. Regarde cette meuf, on est gymniste, ou du NA. Regarde si celle qui pique, elle faut algérienne ou galcéné. Regarde du chef du mob qui prolisse la poche. Elle vit chez ce fils avec les voix pêche. En plus, mon pilote de route, pour qu'on déroute. Nous s'en sortir, il nous en empêche. À l'empoche, il nous claque sec, quand même coach, quand même pote. Quand manche, qu'on s'accroche, même si c'est moche. Protège des miches, évite le bus, la triche, avant que le tout puissant. Sans sonner les cloches, lâche pas une proche. Ok, enquête de chez les parents, putain d'avenir figé, pose trop de questions. Ouais. Que faire face à sa venir. Déjà trop de responsabilités. Déjà trop de choses à gérer si jeune. Ouais. Avenir figé, comme béton érigé, illusion. station, fin d'une voiture, peur d'un virage. 19 sur le rivage, regarde de naufrage. Faudra autre chose que nos phrases pour nous protéger de nos phrases. Trop d'obstacles, trop d'obstacles, dans nos veines c'est le même. Venin, trop d'obstacles, l'avenir sur le même. Chemin, semble être motif, y'a rien qui nous motive. C'est couru de locomotive, on n'a pas pris pour plein de vie. Rien pour à l'horizon, c'est putain de fleurs, voilà nos printemps. Les arbres à 20 ans, attendre l'aiguille en 20 ans. L'avenir c'est qu'est-ce traite, je te traite mes textes. La merde, ma maîtresse, dans ces jours de détresse. L'avenir je l'attends, mais qui me disent va-t'en, bien que je suis un patron. Bien que science l'attend, les pèmes, c'est quand je l'attends. Et l'avenir, restez des mystérieux, une enquête. Faudrait qu'on se bouge avant qu'on regresse. Avant qu'on regresse, putain, ok. On se bouge, avant les fichiers. Fatigue, frère, toi, ton avenir. Un putain de trou noir, un putain de trou noir. Tu parais qu'il vient vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mes actes pour mon conséquent. Sauver l'esprit, sera un bon bâtir, putain qui m'attire. L'avenir, un putain de trou noir, un putain de trou noir. Tu parais qu'il vient vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mes actes pour mon conséquent. Sauver l'esprit, sera un bon bâtir, putain qui m'attire. Ouais, ok. Barbet, tu brûles. Barbet, 3, 7, 6, ouais. La même plus. Ouais, l'avenir me laisse dans l'ignorance. Écoute mes doléances, plus tolérance. Fous n'est plus que des chances. C'est indécent, c'est nous réfugiés dans le fatalisme et l'impuissance. Anesthésie ensorcelée face à notre sort scellé par nos propres mains, j'ai plus les mains propres. Victime de mes rêves cachés, mes rêves lâchés. Mes rêves lâchés, les paroles sages restent dans les livres. Crise, gaspillage, héritage est inexploité. Dans le 25 ou après, notre âme s'en suit. Avenir sans su, cerveau dessus, dessous. Quand il n'y a plus de sous, regarde les choses de dessus. Je te l'ai dit, je vais vers vous, j'explique comme un donjon. Ouais, faut que je me mouille comme un plongeon. J'ai pas franchi un pas parce que maintenant je suis mort. Parce que je prends envie, c'est que ce soit pas sec ou celle que j'ai vécu. Ce que je vis, mon vécu, bouge au cul. Car tout est figé à ce que je vois. L'avenir, un putain de trou noir. Un putain de trou noir. Paraît qu'il va vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mais ça te fout conséquent. J'aurai l'esprit serein, on va dire, plus froid qui m'attire. L'avenir, un putain de trou noir. Un putain de trou noir. Paraît qu'il va vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mais ça te fout conséquent. J'aurai l'esprit serein, on va dire, plus froid qui m'attire. L'avenir m'intrigue, je le regarde comme du fond des lacs. J'en ai marre, ça traîne. Elle pour le diable, ça trie. J'ai les cendres de mes joints dans le cœur. Les spectres de mes rêves dans le crâne. Une vie qui se crame, qui se trame. Doucement mais sûrement, c'est pas pour nous, nos sentiments. Et les absents qui mentent. Pour construire sur des plaies ouvertes. Mais des portes à peine ouvertes. J'mobile comme un putain de l'art. Comme une sage d'une mort. Dirait qu'il n'a. Pendant que j'tire sur l'art. J'en ai assez. Courir après toi, c'est. Pour qu'il a accès à trop vouloir crever l'abcès. J'ai égaré mon art. Viens dans le faux coin de ces rues où j'ai péché. J'ai qu'il est plus pour retrouver ça. Arrête de me dépêcher. Laisse venir. Putain de quotidien. Je le laisse venir. Et j'espère que mon cœur miroir mes 30 vies cessera de brûler. Au fond, l'avenir réserve une surprise qu'à la dernière minute. Je m'en mets à Dieu et moi-même. C'est la paix face à ce dilemme. L'avenir est putain de trou noir. Putain de trou noir. L'avenir, un putain de trou noir. Un putain de trou noir. Il paraît qu'il vient vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mes actes pour nous conséquents. J'aurai l'esprit serein pour bâtir, plus de fin qui m'attire. L'avenir, un putain de trou noir. Un putain de trou noir. Il paraît qu'il vient vite, demain j'ai 30 piges dans le miroir. Avenir conséquent, mes actes pour nous conséquents. J'aurai l'esprit serein pour bâtir, plus de fin qui m'attire. Ok, parfait. Concept. Ouais. Table 26, approchez-vous. Pour le peuple, Califat, Gazon, Chichon, Chichon. Vous pouvez vous approcher là, y'a pas de barrière. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça, vous êtes loin là, vous êtes loin là. Approchez-vous, venez, venez devant là, y'a du pont rap là. Pour une fois, c'est du hip-hop pour le peuple. Faut être là, faut participer. Ah. C'est pour ceux d'en bas. Ok. Ok. Hassan Phoenix. Ouais, ouais, ouais. Pour le peuple, pour pas faire semblant, tu sais. Ruelle, travail, mon peuple, la scène phoenix, par les frappes, pour Bordeaux, la clope qui tourne dans le vide. La scène phoenix, c'est une addiction. Oui, mon pote, y'a trop d'armes, y'a trop de rames, y'a trop de là. J'ai pas assez de frères et sœurs qui se convertissent à l'islam. Aujourd'hui j'ai peur et je crains pour mon avenir et pour le mien. Je sais, leur détruit tout ce que je contiens. On parle plus de futur en sachant qu'on va tout étouffer. Mais trop de gens croient qu'on va s'en sortir. On est comme de fait. À l'affaire, à grimper, allège-moi et tout ce qu'on aura fait. Dis-toi qu'on a tout à vous déclarer forfait. Musulman et du haram dans ce pays, on l'aura trouvé. C'est avec plaisir, sourire, un chétan, on l'aura trouvé. J'ai tout compris. Pas fait pour les finir. Ma vie, ta vie, la leur, c'est pas un comme de fait. Même mon rein, y'a pas d'illusion. Jamais j'oublierai ces 100 ans de colonisation. Je sais que c'est décevant. comme l'Amérique a fait subir au peuple le haine. Est-ce que la France a fait pas vers l'Amérique fraternelle? Attends collègue, j'ai pas besoin de faire de dessin pour pas être aveugle, pour savoir quoi te poser de l'air. Regarde ça va, regarde du blanc. J'ai tellement de choses à dire, j'ai pas vu peur pas écrire un refrain. Et quand je danse, vice président par les paix. Pendant ce temps-là, ils vont des armes à des pays sous-développés. Tu parles de guerre, tu rigoles, mais j'aimerais t'y voir. En ce moment, c'est la merde, tu prends le temps qu'on peut t'y voir. On va aller bien loin, à 14 ans, marre d'école. Et à l'âge de 16 ans, tout le monde kiffe, pas à la gueule. Quand j'ai aide, chaque soir, je dis dans ce monde, parce que j'y rappe quand je vois les grands de trop propices sous les vols. Quand je repense à ce passé, mon frère, j'ai volé. Excuse-moi, c'est dans mes textes, j'ai encore 4 points de grammaire. J'ai dit quitter les codes, on t'en ramène la maille. Maintenant, j'ai une carte en plaie, vivre au bord de la mer. Ouais, Bordeaux, hip hop bordelais. Ici, c'est Californie, ça vient des blocs, ça vient sous la crasse. Yé, maintenant, je rive droite, rive gauche. C'est comme ça que ça se passe, c'est hip hop pour le peuple, merde. Ce soir, on fait la rumeur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous savent, on fait des groupes, même de loin. Parce qu'aujourd'hui, ça vient ici, mon pote. Mais mon pote, je croyais que j'allais te laisser sans parler de mon rue. De tout ce qui va dire contre moi, de tout ce qu'on fait, c'est cruel. Ces arrachages de vin, mis à la ronde, par des voleurs. À chaque coin de rue, c'est pas un voleur, tu rencontres un filer. Y'a pas de super mal dans ce qu'il a se passé pour un rap. De la rue, sachez qu'en gros, ça perd en détail. Pour dire qu'en fait, dans celui-là, tout le monde est bon. De l'autre côté, les petites mutants, ça fout le repère. Ça squatte les entrées, ça fume ce classe, ça fait la fiesta. Et chaque matin, les chips retrouvent des rounds forts. Fiesta. Pas de moi, et alors ça va des boîtes, j'en doute pas. Mais c'est les parents qui marquent d'aller chercher son gosse au poste. Ça retourne les magasins de la blancherie jusqu'à la parfumerie. Dans ces rues-là, on trouve pas su. Gendarmerie, pas de gendarmerie. On grandit dans ces conneries. Ah, toi, t'es là, je suis content d'avoir une sans conneries. Ok. J'ai dû faire un quart d'heure, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais rien. Je veux dire ton trou que tu pites. Voilà, j'avais un truc à faire, t'as vu? En un quart d'heure. Aujourd'hui, tu vois, je suis MC, je rappe, ça fait depuis un petit bout de temps. Ils sont là, mes potes, ils savent, ils ont ceux qui sont là. C'est pas grave, même si tu le sais pas. Et voilà, t'as vu, je fais un petit truc hip hop. Aujourd'hui, toi là, je t'ai fait un petit couplet parce qu'en ce moment, l'hip hop bordelais, ça représente, mais il y a des MC fils à papa, tu vois, qui sont là, ils te disent, moi, je fais du rap. On les voit dans des campings. Donc, nous, on est dans notre coin, on fait notre truc, t'as vu, j'en vois bientôt, il y aura un contrebande qui va sortir. Et c'est hip hop, punk, merde. Y'a pas de problème. Et en fait, c'était pour calmer l'attention, parce que là, on a mis le feu, tranquille, je vous vois, vous êtes avancés, ça me fait plaisir, voilà. Et voilà, je vais finir avec un dernier morceau. Assez voilà. Phoenix. Ok. Pas de problème, croyant. Ok, ok. C'est l'histoire d'un type, mon pote, qui, toi, à force de grandir dans ces banlieues, elle peut être n'importe quelle d'entre nous ici. C'est maladiction. Perdu dans ta tête, mon frère, tu me poses trop de questions. Répète, fais attention, et tu réagis sans réflexion. J'ai tant de pouces vers le haram à commettre des péchés. Dans ta tête, y'a que l'argent et partout moyen, tu vas les pêcher. Commence par les lieux tranquilles, pire, indice sous les mille. Faire chier tant comme meilleur pote, là, t'as tapé dans l'idée. Et chaque jour, c'est la même, avec la haine, tu te lèves. Et tu oses te dire, y'a un biche, je veux un haram, se lève. Oh mon frère, oh mon cher, tu vas compter ta plaquette. Tu penses qu'au sexe, alcool, shit, t'es là-bas. Et des parents, y'a trop de pression. Et tu ramènes même les flics à la maison. Et tu te dis, pauvre innocent. Mais demander une rançon. T'es comme si même plus que dit tu fais des plus conscients. T'es passé au shit, ton popo la vieux jusqu'à la rabla. Tes potes font la morale, tu considères comme du blabla. Sans sortir dans l'hôtesse, regarde ce que mon pote doit faire. Visez le vice, comme des péchés, ce qu'il fait me perdre. Quand ce sont les deux, on va lui en arme, il t'a sorcillé. Prends du phare, quand j'y vais mal, qu'on voit qu'on sort du gilière. Sans sortir dans l'hôtesse, regarde ce que mon pote doit faire. Visez le vice, comme des péchés, ce qu'il fait me perdre. Quand ce sont les deux, on va lui en arme, il t'a sorcillé. Prends du phare, quand j'y vais mal, qu'on voit qu'on sort du gilière. Vu dans quel état t'as rendu ce putain d'état. Accro du shit, t'as adoré, ah, je vois le pétard. Marne école, pour toi c'est l'heure du perso solaire. T'as choisi de préférer le fils, la rue sa colère. Plus vite que prévu, tu t'y entraînes, nous t'es à la galère. Pas divertissement, pas d'argent, la vie t'égale à la terre. Tu vois tes potes, trimonnais, t'es libre, qui sont fiers. Tes potes sont tellement vieux que t'es devenu agile par la poussière. Plus personne te respecte, plus signe que pas pour toi. Ton père déçu, ta mère en a de gueule, fils accroche-toi. On peut mettre une main à terre sans aucune raison. Parfois t'es dans le monde, sont obligés de faire l'agression. Tu calcules le plus gros d'art des gens vers toi, mais plus le même. T'as choisi le rap, que le haine, t'as plus ça te ramène. En plein exception, mon frère, tu ne te mêles pas compte. Pas de vie, pas de morale, même pas à honte, on t'en compte. Sans sortir dans le guerre, regarde ce qu'on peut à faire. Visez le fils, comme des péchés, ce qu'il te fait faire. Quand ce sont des dos, famille en larmes, t'as sorti fier. Quand mon frère, j'ai la mal, qu'on va pas sortir du lumière. Sans sortir dans le guerre, regarde ce qu'on peut toi à faire. Visez le fils, comme des péchés, ce qu'il te fait faire. Quand ce sont des dos, famille en larmes, t'as sorti fier. Quand mon frère, j'ai la mal, qu'on va pas sortir du lumière. C'est le moment que tu fais du haram, tu le regrettes, même si tu dis. Ta vie elle sera pas malade, ta priori, m'a crevé la dalle. Et toi t'es pas gentil qui veut bosser pour 6000 poils. Plus t'es fait, plus procès, faire poil. Plus il m'embrasse, et tu calcules une piste du système. Et que de grandir dans une banlieue, c'est moi ça extrême. T'as fait la chance, faire des études, bouger jusqu'à la fin. Mais t'as préféré, c'est dans trou à rail, et tout voir. C'est à cap blanc, t'as choisi noir que le blanc. Et plus t'embrasse, t'aperçois tes choses ambulantes. L'argent ne rentre pas, et là tu deviens plus violent. Dans ta tête c'est l'embrouille, mais c'est juste un échantillon. Tu veux pas accepter, admettre, t'allais pas plus honnêtement. Rien donné au fils, qu'à ton état, y'a ton gouvernement. Les types de ton genre, t'es pas bon fou dans ce monde. Le reste de ta vie est compté par seconde. Faut sortir dans nos têtes, regarde ce qu'on peut droit faire. Viser le fils, comme elle est péché, ce qu'il préfère. Quand tu sens qu'il t'offre, famille en larmes, et dans son cimetière. Quand mon frère, mon chien normal, qu'on voit comme sans une rivière. Faut sortir dans nos têtes, regarde ce qu'on peut droit faire. Viser le fils, comme elle est péché, ce qu'il préfère. Quand tu sens qu'il t'offre, famille en larmes, et dans son cimetière. Quand mon frère, mon chien normal, qu'on voit comme sans une rivière. Faut ce qui sort de tête. Je m'attire dans le sentiment. Lancer la malédiction.